France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode du documentaire d'Olivier Chomel et Lionel Cantin, nous avons entendu la première partie de la vie incroyable d'Eddie Rosner, l'inventeur du jazz en Union soviétique. Nous sommes en 1933. Eddie Rosner, juif, allemand, berlinois, poussé par la montée d'Hitler au pouvoir, va petit à petit partir vers l'Est. Il va s'installer à Moscou, où il deviendra une star, ou plutôt le tsar du jazz russe. Sa carrière fut fulgurante, et même Staline sera son premier fan. Il ne faut cependant pas briller plus haut que l'étoile rouge. Et hélas, Eddie Rosner va commencer à avoir très froid. Eddie Rosner, second épisode. Sourire au goulag, jouer du jazz. Olivier Chomel, Lionel Cantin. Il était vraiment très très élégant, c'était un gentleman. Et puis c'était un grand séducteur, c'était un grand donjon. On le lui reprochait. Pierre-Henri Salfati. Mais non, il avait cette élégance. Et puis, il avait une devise, ça, il ne faut pas ne pas le dire. Une devise qui peut marcher pour nous tous. Moi, j'en suis fait un petit peu. Smiling. Il semait le sourire comme ça. Et c'était toujours smiling, smiling. Un jour, on lui a cassé les dents. D'ailleurs, parce qu'on était persuadé que sa trompette était en or. Il s'est fait attaquer, agresser. On lui a cassé les dents. On lui a volé sa trompette, qui n'était pas en or massif. Eh bien, il a décidé ce jour-là de ne plus jamais jouer de trompette. Sans dents, c'est pas facile. Et un jour qu'il dirigeait son orchestre, il était resté chef d'orchestre, déjà, sur scène, un de ses musiciens lui lance comme ça la trompette. Et lui fait « smiling ». Et il n'a pas pu ne pas s'y remettre. Natalia Sazonova. Rosner, il influençait les gens. C'était un homme qui pouvait hypnotiser. On ne pouvait pas ne pas aimer Rosner. Je n'ai pas rencontré une seule personne qui n'aimait pas Rosner. Il ne va pas chavirer par son charme. Voilà. Ouais. Charme, intelligence, bonté. Parce que c'était un homme vraiment bon. La musique de jazz a eu bien de la peine à s'introduire dans le bloc de l'Est. Elle n'y était pas la bienvenue. Tout de même, quelques rares grands noms du jazz américain se sont produits en Union soviétique. C'est le cas de Duke Ellington, qui a fait une tournée triomphale en 1971 et qui racontait, mi-amusé, mi-agacé, qu'on lui demandait sans cesse de jouer Caravan d'Eddie Rosner. Alors que Caravan, c'est de Duke Ellington, tout le monde sait ça, en Occident. Et de Juan Tizol, précisons-le, pour ne pas avoir d'ennuis avec les droits d'auteur, les Américains sont très chatouilleux là-dessus, c'est bien connu. C'est un destin hollywoodien. Bien inscrit dans le XXe siècle. Oui, c'est un homme du XXe siècle. Enfin, c'est l'inventeur du jazz en Union soviétique, on va dire ça comme ça. Un juif allemand, berlinois, devient le jazzman privé de Joseph Staline. C'est pas rien. Et ce même Staline va le livrer au goulag 10 ans. 10 ans incarcéré. Et Staline, donc, dès qu'il gagne la guerre, met dans les camps tout ce qui rappelle l'Amérique, et qui paradoxalement, c'est pas connu, mais était tout à fait permis durant la guerre. Le jazz notamment. Le camarade Zhdanov disait pourtant, qui aujourd'hui joue du jazz, demain trahira la patrie. Très beau, hein. C'est très beau. Je ne sais pas si ça marche encore. Mais à mon avis, qui trahit la patrie, peut-être demain je jouerai du jazz. C'est un phénomène assez courant dans le stalinisme, que, eh bien, on est en grâce ou en cours, et puis soudain on ne l'est plus. Mais pour Eddie Rosner, le vent tourne assez vite, Gertrude Pican. Es kommen kritische Stimmen auf, die ihm dann doch nahelegen. Il y a des voix critiques qui s'expriment autour de lui, zu versuchen, wieder in den Westen vers la fin de la guerre, pour qu'il retourne à l'Ouest. Er brauchte für diese Ausreise einen Pass. Il avait besoin d'un passeport pour und ce départ. Hat man ihm verweigert. Et on le lui a refusé. Und das führte dann bei ihm dazu, weil ça l'a conduit, er eben doch gespürt comme il flairait quand même les choses, zu gefährlich geworden war, à comprendre que cette situation devenait trop dangereuse pour lui. Illegalen Grenzübertritt entschieden. Et a décidé de franchir la frontière illégalement. Und dabei wurde er verhaftet. Et c'est là qu'il a été arrêté. On peut raconter, Natalia Sazonova, comment Eddie Rosner est confronté à la terrible machine qui va l'amener de Lvov, où il est arrêté à la fin de l'année 46, jusqu'au Goulag, en passant par la Loubianka à Moscou. Je me propose de lire trois quarts de page qui situe un petit peu l'atmosphère de l'interrogatoire à la Loubianka. L'officier qui interroge Eddie Rosner dirait ceci. Vous savez, camarade Rosner, je suis l'un de vos plus fervents admirateurs. Parler de moi dans ces conditions particulières vous paraîtra peut-être indélicat, mais je vous en prie, écoutez-moi, j'ai des choses à vous dire, des choses qui peuvent vous intéresser. Je partage avec vous le même appétit musical, j'adore le jazz. Chez moi, après le travail, j'écoute la radio tout le temps. J'ai une véritable adoration pour Duke Ellington, en tant qu'artiste bien entendu, mais pas plus que pour vous. Alors camarade Rosner, s'il vous plaît, écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant, car votre vie en dépend. Il faut que vous réfléchissiez cette nuit même, et que demain vous écriviez une déclaration disant « Je me reconnais coupable ». L'instruction prendra fin et on vous enverra finalement dans un camp. Si vous ne voulez pas, camarade, vous pouvez aussi écrire « Je ne suis pas coupable ». Mais là, je n'y peux rien, nous sommes dans l'imprévisible. Il est bien possible que vous soyez fusillé. Vous et peut-être aussi votre femme, la camarade Kaminska. Elle est déjà chez nous. Réfléchissez, nous sommes nombreux à aimer votre trompette. C'est réel. Je sais que Rosner n'a pas cédé. Par contre, c'est encore une fois un miracle. Et là, je pense que ce qui m'étonne, c'est Pantelimon Panamarenko n'est pas venu à son aide. C'est un autre personnage hautement placé qui a dit « On ne peut pas tuer Rosner, l'Occident ne nous pardonnera pas. » Et puis l'Union soviétique a bien conscience qu'il peut encore servir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que Panamarenko a fait profil bas. Staline, c'était un grand pervers. Voilà, et je pense que c'est directement Staline qui a interdit tuer Rosner parce qu'elle voyait son utilité. Et donc la séquence suivante, Gertrude Pican, c'est Lvov, Moscou, Khabarovsk, Magadan. Das ist sicher die bemerkenswerteste Etappe im Leben. Il est certain que l'épisode le plus remarquable de l'existence d'Eddie Rosner, c'est celle du jazzman au Goulag. Und was ihm dort geholfen hat, et ce qui l'a aidé là-bas, das war tatsächlich seine réellement, c'est sa notoriété, seine Popularität, sa popularité, die er sich in der Zeit des Krieges, qui était née in der Sowjetunion, en Union soviétique du temps de la guerre. Er kam dorthin, il est arrivé là-bas, und er war nicht wie fast alle anderen Häftlinge im et il n'y était pas Goulag, seulement un numéro, comme n'importe quel détenu du Goulag, sondern là-bas aussi, er war auch dort, il était Eddie Rosner. Encore Eddie Rosner. Und da er nicht der einzige Musiker il n'était pas le seul musicien war, au Goulag. Hatte er auch dort die Möglichkeit, et il a eu la possibilité de fonder jazz orchester, un petit orchestre de jazz anderen Häftlingen, avec d'autres détenus unter den Bedingungen des Goulag zusammen. Sous les conditions des autorités du camp. Et il va même jusqu'à se produire devant les autorités pénitentiaires et leurs familles étendues. Il y a même des tournées qui sont organisées de camp de travail en camp de travail. Mm-hmm. C'était certainement une des fonctions principales de cet orchestre de jazz du Goulag. Ça n'était pas d'abord pour divertir les détenus, mais plutôt le personnel du Goulag. Хорошо степи скакать, вольным воздухом дышать, лучше прерий места в мире не найти. Если солнце не печет, и лошадка не трясет, и пивлии попадаются в пути. Эй-о, эй-о, эй-о, эй-о, а если только конь хороший у ковбоя. Эй-о. Patrick Anidjar. Staline avait décidé de mettre tous les jazzmen du RSS en prison. Le jazz étant considéré par Staline comme une déviance capitaliste. Et quand Rosner arrive au Goulag, il se retrouve au milieu d'une quantité de musiciens incroyables qui ont les mains gelées par le froid, qui peuvent à peine tenir leur instrument, etc. Et qui il va leur donner une sorte de second souffle et créer et fabriquer de toutes pièces des orchestres, plusieurs formations de jazz durant sa période de détention. Vous imaginez ce que c'est Khabarovsko-Magadan, surtout. Voilà, moi j'imagine, parce que j'ai passé, et même dans les années 90, c'était, comment dirais-je, c'était un peu lugubre, pour pas dire autrement. Alors dans les années 40, j'imagine. En plus, elle fait l'hiver la moitié de l'année, même plus. La misère totale, sans parler de camps autour. Et tous ces, même si vous êtes hautement placé, vous êtes un chef, mais chef d'un enfer, c'est triste. Et je pense que tous ces gens, quand elles voyaient arriver Rosner, qui avait quand même déjà la gloire, l'Union soviétique, disaient, voilà, moi aussi je vais me faire un petite Moscou chez moi, je vais aussi être un little Staline, voilà, je vais aussi avoir mon pitre, mon musicien. Après, Rosner, il est catapulté à Magadan, où il recrée un autre orchestre. Si j'ai bien compris, oui. Eddie Rosner demande à quitter Khabarovsk, qui est un goulag déjà assez terrible, pour la Colima et Magadan, qui est l'enfer sur Terre. Oui. Et qu'est-ce qui lui prend ? C'est le calcul simple que à Magadan, c'est pas que le temps passe plus vite, mais à Magadan, elle a demandé l'amnistie, ça veut dire elle a demandé un peu réduire sa peine. C'est tout. C'est uniquement pour ça. Et il dit, je vais aller à Magadan. Et à Magadan, tu fais pas 10, tu meurs au bout de 5. C'est pour ça qu'on l'envoie. Mais c'était un risque. Qui ne risque pas, ne boit pas de champagne, disait Rosner. Alors, il est allé à Magadan. Les gens pensaient qu'il va crever à Magadan, mais chiche, non. Il a créé le jazz band là-bas aussi. Il s'avère qu'à Khabarovsk, quand il arrive, le chef du camp adore Eddie Rosner. Et pour lui, il n'y a pas de doute. Il vient ici jouer du jazz. Mais Eddie refuse de jouer du jazz. Alors on lui fait un procès et on le condamne à 10 ans de jazz. Et Rosner a été soumis à un rythme infernal. Il donnait peut-être 3 concerts tous les 5 jours pendant toutes ces années. Il ne dormait pour ainsi dire pas puisqu'il enseignait en plus la musique à des non-musiciens. Il en a sauvé beaucoup comme ça, en les faisant passer pour des indispensables. Donc on voit qu'encore il faisait des castings de musiciens ou des gens qui se présentaient à lui. Il s'est sauvé lui-même aussi par la musique. On va dire ça. Ouais, bien sûr. Si on considère les aventures d'Eddie Rosner, qui a quand même passé près de 7 ans au Goulag, entre 47 et 54, on s'aperçoit que, alors même qu'en ville, à Moscou par exemple, il est un peu indésirable avec son jazz, au Goulag, où il ne cesse pas de former des orchestres de jazz. Il est finalement beaucoup plus en cours, un peu comme s'il avait plus de liberté d'expression au bagne qu'en liberté. À la Colima, là, il est à Magadan, je crois. Bon, c'est un monde à part. Et Philippe Gimplovitch. Les gens aiment cette musique n'importe comment. Enfin, la musique qu'il joue, c'est dansant, c'est divertissant. Il y a beaucoup moins d'idéologie à l'intérieur du goulag même. Parce que n'importe comment, il faut vivre, quoi. Et c'est tellement épouvantable. Si on peut danser, si on peut se marier un petit peu, pourquoi pas? Enfin, il est qu'en ville, où là, il y a une surveillance. Il y a une surveillance idéologique. Les choses se débondent au goulag. Il joue donc. Il suffit qu'un surveillant aime ça, il suffit que le directeur du camp aime ça, il suffit que le directeur du camp se rende compte que finalement, ça fait. On va être peinard pendant 2 ou 3 heures pendant qu'il va jouer, pendant qu'il va animer un bal. C'est toujours ça de prix, quoi. Vous voyez, enfin, on se débrouille. Pour situer. Magadan, c'est une ville de l'extrême-orient soviétique qui n'a été créée que comme colonie pénitentiaire. Bien sûr. C'est une ville, c'est la ville du goulag, la capitale du goulag. C'est la capitale du goulag. C'est-à-dire, autour, il y a les myriades et les myriades des camps atroces, qui sont maintenant comme des squelettes des anciens camps. C'était terrible comme les images. Et on a du mal à s'imaginer une vie culturelle dans un endroit pareil. Mais ça existe. Il y a un théâtre, il y a des spectacles de danse, de musique. C'est le paradoxe de l'Union soviétique. Même dans l'enfer, il y a la vie. Mais quelle vie ? Parce que c'était difficile d'être l'épître de bourreau. Et il y avait pas mal de gens qui étaient punis aussi. Quand il y avait, pas Rosner, jamais, mais d'autres, oui. Il y a des cas particuliers quand on envoyait... Qu'on venait chercher sur scène et on te jetait dans les mines, ça arrivait. Voilà. Où on vous faisait partager l'existence des prisonniers de droit commun, qui généralement s'opposent violemment aux politiques. C'est ce qui est arrivé en arrivant à Rosner, un peu pour le casser. Mais Rosner, il les a fait manger dans sa pomme. Parce que Rosner, elle a commencé à jouer, et ils ont commencé à pleurer. Elle a fait le concert personnalisé au droit commun. Et là, il connaissait tout le répertoire, comme il a déjà passé par Khabarovsk. Il connaissait tout le répertoire préféré des droits communs, qui était bas de gamme, mais qui fait partie quand même de la culture des chansons de prison. En Russie, c'est toute une culture, vous savez. Et Rosner, il a fait un concert, il était adopté complètement, il était protégé après par ces gens. C'est intéressant, toujours, tourner le mal en bien. Ça, c'est le grand talent de Rosner. Много лет тому назад весь мир пел старинный романс «Очи черные», «Очи черные натуральные». Si Rosner sort enfin du goulag après 7 ans et quelques, c'est parce que Staline a eu la bonne idée de mourir. Et Rosner réintègre son statut d'avant, à peu près à l'identique, peut-être même en mieux. Rosner, elle arrive à Moscou, en cachette d'ailleurs, parce que Rosner n'a pas droit d'être à Moscou. À ce moment-là, réapparaît Panamarenko qui dit « Écoute, ne t'en fais pas. Moi aussi, je vais t'aider. » Il réapparaît. Mais est-ce que Rosner lui fait confiance, sachant que Panamarenko l'a déjà lâché une fois? Vous savez, en l'URSS, faire confiance ou pas faire confiance, il faut suivre sa route. Et après, on verra, Inch'Allah, comme on dit ici en France. Voilà. Mais déjà, il se passe une chose tragique, c'est qu'en sortant de Goulag, Rosner se sépare avec la femme de sa vie, qui le quitte. Qui n'apprécie pas qu'il ait rencontré une jeune danseuse à Magadan et qui lui ait fait un enfant. Non, parce qu'il a refait sa vie aussi. Vous savez, ça, il faut le dire. Parce que je pense qu'il a rencontré plein de danseuses. Et avant, et après, et pendant. краснеть случай был такой. Служила наша Танечка в столовой заводской. Работница питания представлена к борщам. На Танечку внимания никто не обращал. On dit même qu'Eddie Rosner aurait laissé un enfant dans chaque ville soviétique desservie par le train, pour peu que l'arrêt en gare durât au moins 10 minutes. Sans commentaire. On pourrait croire que pendant cette longue et funeste période de 7 ans dans les camps de la lointaine Sibérie, la popularité d'Eddie Rosner va peu à peu s'éteindre. Il n'en est rien. Son succès reste intact, au goulag comme ailleurs. Et ceux de ces musiciens qui n'ont pas été envoyés au goulag continue à arpenter sans lui le territoire de l'URSS et à réjouir les foules. Et comme il aurait été dommage de ne pas bénéficier du prestige du fondateur, c'est l'orchestre ex-Rosner qui est annoncé partout. Une fois élargi, Eddie Rosner reprend sa carrière là où il l'avait laissée en partant, et son succès ne se dément pas. Mais il garde en tête l'idée qui lui a valu sa détention dans les camps, quitter l'Union soviétique. Il y parviendra en 1972, 18 années après sa libération des camps sibériens, grâce à l'entremise du président des États-Unis en personne. Moi, je tiens ça directement de sa fille Erika, qui nous a témoigné que la Maison Blanche, à la veille du départ de Nixon, première fois qu'un président américain met les pieds dans Sovietland quand même, la Maison Blanche émet une annonce disant que le président américain va aller rencontrer le président russe. Si des gens ont des noms à donner, que le président Nixon se ferait un honneur de présenter un président Brejnev, qu'il le fasse. Elle a lu cette annonce. Elle a mis le nom de son père. C'est elle qui l'a fait. Et Nixon n'a pas forcément regardé en détail le nom des gens, mais le jour où Nixon remet le document à Brejnev, il ne pouvait pas revenir en arrière, le président russe. Mais, vu le nom de Rosner, qui était, à l'époque, un citoyen d'honneur, un tsar, un personnage hors du commun, un personnage adulé, un personnage estimé, un héros de l'Union soviétique, médaille Lénine, enfin tout ce qu'on peut imaginer, il a été mis à nu. On a détruit toutes ses œuvres, on a détruit tous ses disques, on lui a retiré tous ses privilèges. Rétroactivement, si vous voulez, c'est violent. Et il s'avère. Une incroyable cruauté. Après son départ, on a détruit les matrices des disques, on a démagnétisé les bandes. Mais oui, la campagne a été effroyable de reniement. Il n'était plus personne. Et alors, arrivé dans la Berlin ouest, il vivait dans la misère, il n'avait plus rien. Lui qui était la 10e fortune russe, se retrouver nobody. Il arrive à Berlin où il pense qu'on se souvient de lui et on ne se souvient pas de lui. Ça, c'est terrible. Et aussi, je pense qu'il n'a jamais été autant humilié qu'à Berlin. Même à l'Union soviétique, il n'était pas si humilié que ces dernières années à Berlin. Quand il a 20 ans, il est dans le coup. Enfin, il sait jouer les choses à la mode. Et son style, évidemment, associé aux années 30. Donc, il n'en changera guère. C'est très difficile pour un musicien. Vous voyez, enfin, les grands bouleversements du jazz, c'est 45. C'est Charlie Parker, c'est le bebop. Oui, ce sont des révolutions auxquelles il n'assiste même pas. Il est dépassé. Et donc là, effectivement, il subit un deuxième contre-coup. Il n'a pas simplement Staline contre lui, il a son âge. Et c'est deux tyrans impitoyables, l'un et l'autre. Je crois qu'il a su assez mal se vendre. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que la fin de sa carrière se termine de façon assez misérable, finalement, puisqu'il il sombre dans l'incognito total, quoi. C'est-à-dire qu'à Berlin, plus personne ne le connaît. Et il va disparaître sans qu'on sache absolument rien de lui et de son histoire. Plus personne n'en veut non plus musicalement. Plus personne n'en veut musicalement. Il n'est pas apprécié dans cette région, donc à Berlin. C'est quand même assez paradoxal qu'un homme qui a fui le nazisme se retrouve, après ce périple, se retrouve à nouveau à Berlin. C'est aussi intéressant dans le parcours... C'est ta ville natale. Oui, enfin, comme vous savez, il y a beaucoup de juifs qui ont fui l'Allemagne et qui n'ont pas forcément eu envie d'y revenir après ce qui s'est passé, mais lui, ça ne l'a pas dérangé. Et c'est aussi révélateur de sa personnalité. C'est un petit peu comme s'il avait passé l'éponge, alors qu'il était parfaitement au courant de ce qui s'était passé concernant les juifs allemands, les juifs de Pologne et les juifs d'Europe en général. Ça l'a pas vraiment rebuté pour revenir effectivement dans sa ville natale. C'est vrai. Et ça, c'est vrai que c'est étrange. Et c'est pas, enfin, il n'y en a pas beaucoup comme lui, hein, qui ont ce parcours, cette boucle-là, enfin, en Europe à l'époque. Il a fait des demandes d'aide aux victimes de la Shoah en Allemagne. Ils ont dit, vous êtes qui, vous? Vous êtes répertorié nulle part, vous n'existez pas pour nous. Et il va écrire donc une lettre dans laquelle il se présente, les conditions de sa fuite, etc. Et il va attendre des mois qu'on lui réponde. Et la veille de la réponse, il meurt de façon tragique, dramatique, pathétique, domestique. Il meurt dans sa salle de bain. Une crise cardiaque. Crise cardiaque. Le 8 août 1976. Ouais. C'est ça. Il venait d'obtenir aussi un visa pour Israël, puisqu'on lui faisait des ponts d'or pour venir finir sa vie en Israël, à enseigner le jazz ou... C'est vraiment un destin hollywoodien. Eddie Rosner, second épisode. Mais en fait, il avait ce smiling interne, sûrement. C'est-à-dire, espèce de philosophie juive. De la rescousse. Ok, on verra bien. Ok, ça va passer. Nous ne sommes là que de passage. Avec Pierre-Henri Salfati, cinéaste, Natalia Sazonova, écrivain, biographe d'Eddie Rosner, Gertrude Pican, historienne, biographe d'Eddie Rosner, Patrick Anidjar, journaliste et écrivain, Philippe Gimplovitch, musicologue. Traduction Françoise Schmitt, voix française, Nathalie Duong. Merci au bar tabac Le Rallye, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris, à Fred Momartz, à Caroline Flach des éditions Bebra Ferlac et à Louise Price-Leroll. Bibliographie sur franceculture.fr. Le documentaire de Pierre-Henri Salfati et Natalia Sazonova, Le Jazzman du Goulag, très beau et abondamment primé, est disponible aux éditions Idéal Audience Internationale. Coordination, Christine Bernard. Discothèque centrale de Radio France, Antoine Vuilloz. Documentation d'actualité, Hélène Caillet et Karine Auberwig. Prise de son, Thibaut Nassimben et Julien Doumac. Mixage, Manuel Couturier. Sourire au goulag et jouer du jazz, Lionel Quentin, Olivier Chaumel.